Merci, Eliman. Aborder le astérisque astérisque panafricanisme d'Ousmane Sonko astérisque astérisque exige de le situer à la fois dans l'histoire politique du Sénégal, dans les luttes contemporaines pour la souveraineté en Afrique de l'Ouest, et dans une vision plus large de réappropriation identitaire, économique et spirituelle, des thèmes qui résonnent profondément avec ton propre travail autour de la culture peul, de la foi soufie, et de la dignité africaine. Dies 1. Astérisque astérisque Sonko et le panafricanisme, un ancrage dans la souveraineté astérisque astérisque. Sonko ne se réclame pas explicitement du panafricanisme académique, comme Garvey, Nkrumah ou Cabral, mais son discours incarne astérisque astérisque une forme de panafricanisme populaire et anti-impérialiste astérisque astérisque, centré sur la astérisque astérisque sortie du franc CFA astérisque astérisque, aujourd'hui écho, mais toujours sous influence française. Le astérisque astérisque refus des accords de défense néocoloniaux astérisque astérisque. La astérisque astérisque réappropriation des ressources nationales astérisque astérisque, pétrole, gaz, pêche. Elle est astérisque astérisque unité des peuples d'Afrique de l'Ouest astérisque astérisque face aux ingérences extérieures. Son mot d'ordre astérisque astérisque, souveraineté ou rien, astérisque astérisque est une formule panafricaine dans l'esprit, même si elle est formulée en wolof ou en français sénégalais. Elle renvoie à l'idée nkrumahienne que astérisque astérisque, l'Afrique doit s'unir ou périr, astérisque astérisque, mais adaptée au contexte post-ajustement structurel, post-printemps arabe, et dans une ère de montée des nationalismes critiques. Dies 2. Astérisque astérisque une dimension culturelle et spirituelle astérisque astérisque. Contrairement à certains courants panafricains laïcs ou marxistes, Sonko intègre de façon implicite mais forte astérisque astérisque une dimension morale et spirituelle astérisque astérisque, ancrée dans l'islam soufi, Tijaniya, Mouridiya, très majoritaire au Sénégal. Cela rejoint ton propre ancrage dans le astérisque astérisque soufisme sahélien astérisque astérisque, où la dignité, astérisque karama astérisque, est à la fois spirituelle, sociale et politique. Sonko parle souvent de astérisque astérisque, retrouver notre honneur, astérisque astérisque une notion qui dépasse l'économie, c'est une quête de astérisque astérisque réparation historique astérisque, de astérisque astérisque désaliénation mentale astérisque, et de astérisque fierté culturelle astérisque. C'est là un pont direct avec le panafricanisme culturel tel que défendu par Cheikh Anta Diop, astérisque l'Afrique ne se libérera pas sans se réconcilier avec son histoire, ses langues, ses valeurs astérisque. Dies 3. Astérisque une vision ouest-africaine, pas seulement sénégalaise astérisque. Sonko entretient des liens symboliques forts avec les mouvements similaires au Mali, Assimi Goïta, en Guinée, Alpha Condé, puis la résistance contre l'ingérence, au Burkina Faso, le MPSR de Damiba puis Traoré. Bien qu'il n'appelle pas à une fédération formelle, il astérisque soutient publiquement les coups d'État, anti-France, astérisque comme des révoltes populaires légitimes ce qui le rapproche d'un astérisque panafricanisme de la rupture astérisque, plutôt que du consensus institutionnel, CDAO, UA. Cela le place dans une lignée critique vis-à-vis des élites, complices, mais aussi parfois en tension avec les cadres traditionnels de la diplomatie africaine. Dies 4. Astérisque limite et critique, à ne pas ignorer, astérisque. Son panafricanisme reste astérisque largement rhétorique astérisque, peu de propositions concrètes pour une intégration régionale au-delà du discours anti-France. Il est astérisque centré sur la figure du leader charismatique astérisque, ce qui peut contredire l'idéal panafricain de solidarité horizontale. Il n'aborde astérisque presque jamais les questions de genre, d'ethnicité, comme la spécificité peul, ou d'écologie astérisque, pourtant crucial pour un panafricanisme contemporain. Dies 5. Astérisque pourquoi c'est important dans ton travail astérisque. Dans tes projets astérisque le complexe de la poussière astérisque sable et foi astérisque, ou les portraits de Zarazi Diop et Kofi Mandela où tu explores justement cette tension entre astérisque foi, identité, et résistance astérisque. Le cas Sonko illustre comment, aujourd'hui au Sahel, astérisque le panafricanisme ne passe plus seulement par les intellectuels, mais par les rues, les mosquées, les réseaux sociaux, et les corps en colère astérisque. Tu pourrais, par exemple, opposer ou juxtaposer. La astérisque sagesse soufie peut l'astérisque, calme, patience, profondeur. Et la astérisque colère politique de la jeunesse urbaine astérisque exigence de justice immédiate, rejet radical. Ce contraste enrichirait ton récit, sans trahir aucune des deux vérités. Si tu veux, je peux t'aider à rédiger une note ou une page web sur Sonko et le panafricanisme sahélien pour ton site Saba Film. Intégrer des citations de ses discours avec une analyse critique. Ou comparer sa vision à celle d'autres figures, Sankara, Diop, Cissé, Diom. Dis-moi dans quelle direction tu veux aller.